Ouais, salut. Ouais, les gars. Ah ouais, on est là, quoi. Ouais. Toi, tu sais pas. Ouais, ça ouais. Tu t'attendais à qui, Schwarzy, en Conan le barbare? T'as plus de droit au connard qui traîne au bar tard. Tu t'attendais à un remix de toi, tu sais pas. T'as 3 minutes pour me montrer que toi, tu sais boire. T'es plutôt shit, tant pis, t'es pas dans le contexte. Dédicace aux inconscients buvant de la Contrex. J'suis dans ce bar et au moins depuis 7 heures. Le barman mène la barque dans ce secteur. Inutile de te dire ce que tu dois faire. Rester assis sur la chaise et finir ton verre. Jusqu'à la dernière des dernières gouttes. Lécher comptoir, saucisse, ça te dégoûte. C'est toujours un concours où t'es seul en course. C'est toujours toi le con qui court pour vomir en douce. Mais le rejet c'est après, pour le moment j'absorbe. C'est trop tard si ce soir je voulais finir sort. Le spécimen le sait, qui peut savoir mieux que moi. L'alcool et ses méfaits, non, toi tu ne sais pas. Le spécimen le fait, si ce morceau vaut rien. C'est toi tu ne sais pas, c'est que toi tu ne sais rien. Le spécimen le sait, qui peut savoir mieux que moi. L'alcool et ses méfaits, non, toi tu ne sais pas. Le spécimen le fait, si ce morceau vaut rien. C'est toi tu ne sais pas, c'est que toi tu ne sais rien. Tu t'attendais à qui, super Superman non paralysé, t'as droit plutôt à des connards qui vendent sur Alizé. Tu t'attendais à un remix de toi, tu sais pas. J'te dis de boire, explique-moi pourquoi tu le fais pas. T'es plutôt Coca-Cola, mais moi aussi. Sauf qu'à la différence de toi, moi j'y rajoute du whisky. J'ai 21 ans et passe ma vie là-dedans. Toi t'es dans le shit, mais ça te fait de vilaines dents. J'te donne un conseil, évite le morceau marron. Mets-toi dans l'alcool, tu trouveras ce morceau marrant. Un verre de tequila et tu te prends pour un king. Mais si t'en prends plus, laisse la gova au parking. Après, stop les interdits si tu restes à quai. Accroché au bar pour faire semblant d'être ok. Je connais les feintes, mais je trouve ça louche. Mon foie porte plainte et ça remonte en bouche. Le spécimen le sait, qui peut savoir mieux quoi. L'alcool et ses méfaits, non, toi tu ne sais pas. Le spécimen le fait, si ce morceau vaut rien. C'est toi tu ne sais pas, c'est que toi tu ne sais rien. Le spécimen le sait, qui peut savoir mieux quoi. L'alcool et ses méfaits, non, toi tu ne sais pas. Le spécimen le fait, si ce morceau vaut rien. C'est toi tu ne sais pas, c'est que toi tu ne sais rien. Tu t'attendais à qui, Sarkozy, toutes ses réformes. T'as droit plutôt à un connard qui n'est plus en forme. J'ai du vomi au menton et sur le t-shirt. J'en ai même mis sur la gonzesse, celle au petit short. Ça finit toujours pareil de la même manière. Parce que le barman jamais ne met de barrière. C'est pas de ma faute et de toute façon. L'alcool c'est cool et j'ai pas d'autre passion. À part le rap, mais tu vois quand t'as pas la niaque. Avec air de phare, on se dévoile à l'armagnac. On se déchire au bar lors de soirées longues. Le troisième pote reste puis sans gamon. Chez Milou c'est la Nice à l'ancienne. Quand t'as pas de flou, c'est le mousse qui t'entraîne. J'oublierai pas ceux qui boivent comme un torrent. Ceux qui ne boivent pas, j'appelle ça les ignorants. Le spécimen le sait, qui peut savoir mieux quoi. L'alcool et ses méfaits, non, toi tu ne sais pas. Le spécimen le fait, si ce morceau vaut rien. C'est toi tu ne sais pas, c'est que toi tu ne sais rien. Le spécimen le sait, qui peut savoir mieux quoi. L'alcool et ses méfaits, non, toi tu ne sais pas. Le spécimen le fait, si ce morceau vaut rien. C'est toi tu ne sais pas, c'est que toi tu ne sais rien. Ouais, c'est toi. Toi tu sais pas trop ce que tu fais. Moi je sais où j'en suis, c'est ça la différence. C'est clair, c'est spécimen. Orphée, trop et relou. Oh putain. Joss, rival, allez-y. Jetez-vous dans la gueule du loup. Vous êtes pas mort quand même. Funda, continue comme ça. Bouffe-moi ce morceau de bitume. Et on y va, et on y va, et on y va.